Henri de Rochefort, Les Dépravés, chapitre 11. Mais cette accalmie redevint ouragan à l'apparition de Carbonel. Ah, c'est vous, monsieur, fit la jeune panthère. Eh bien, vous pouvez vous vanter de nous avoir mis tous dans de jolis draps. Moi, Clémentine, de quel drap veux-tu parler? Jamais je. Taisez-vous, vous êtes un assassin. Le personnage ainsi accueilli, et dont Clémentine avait, 5 mois auparavant, montré la silhouette à la première demoiselle du magasin de la rue Saint-Roch, était un homme de haute taille, d'environ 60 à 65 ans, sec, un peu voûté, aux cheveux blancs roulés sous son chapeau qu'il avait gardé en entrant. Vêtu de noir et semblé dans une cravate également noire, tout sortait un col droit, d'un éclat et d'un empesage irréprochable. Son œil doux et bleu, ses traits arrondis, encadrés dans cette longue chevelure blanche, rappelaient ce portrait de Bernardin de Saint-Pierre qui orne la première page de presque toutes les éditions de Paul et Virginie. Fils d'un riche notaire établi à Toulouse, Carbonel y avait fait longtemps, sous le nom du beau Ludovic, ce qu'on appelle la vie de garçon, sous prétexte qu'elle vouait aux filles. À 19 ans, il était l'amant de deux sœurs, mariées toutes deux, et s'était battu dans la même matinée avec les deux beaux-frères, ce qui avait eu pour résultat d'attirer chez lui d'autres femmes mariées, avec leurs sœurs à l'appui. Les témoins envoyés par un mari à l'amant de sa conjointe devraient toujours arranger l'affaire. Punir un homme de ses déportements, en établissant aux yeux des beautés de l'endroit qu'il est aimé et qu'il est brave, est allé directement contre le but, à ce point que deux des seconds, qui avaient figuré dans cette double affaire, du côté des époux, passèrent pour avoir payé de leur repos conjugal l'honneur de s'être salués sur le terrain avec le beau Ludovic. Le vrai joueur, après avoir tenu les cartes contre des membres du Jockey Club, va le lendemain se faire voler par des professeurs de langue verte dans des caboulots où la police monte à minuit et demi. Il joue où il peut, ce qu'il peut, avec qui il peut. Le coureur de femmes, qui diffère essentiellement de l'homme à bonne fortune, part du même principe. Il n'a pas des aventures, mais toutes les aventures. La Mathilde de la Mole, de Stendhal, fille d'un pair de France, et fiancée à un duc ou la marchande de tabac d'en face, c'est pour lui tout un. Il quitte le coupé d'une marquise pour monter sur la charrette d'une vendangeuse. Quand il ne peut pas avoir la femme de chambre, il prend la maîtresse. Et quand il échoue auprès de la maîtresse, il se contente de la femme de chambre. Carbonel avait d'abord poursuivi une intrigue comme moyen de parvenir à en entamer une autre. Puis, après avoir beaucoup ri de ses fredaines, il était arrivé peu à peu à les prendre au sérieux. Le châtiment des hommes qui ont trop aimé les femmes, et de les aimer toujours, a écrit La Rochefoucauld. La conquête avec laquelle il souperait le soir avait fini par devenir, pour le casqueur de la Haute-Garonne, la grande question de la journée. Mais les acapes qui coûtent si peu à 20 ans quadruplent de prix à 30, et à 40 creusent des abîmes financiers. Carbonel, qui ne buvait ni ne fumait, qui se déclarait repu avec un plat de viande et un fromage, dépensait 300 francs en un repas pour le plaisir de voir quelques doigts roses éplucher des crevettes. Le jour où il eut la certitude que son patrimoine ne suffirait jamais à l'assaisonnement de ces petits crustacés qui rougissent dans l'eau bouillante, il essaya de se livrer à une industrie plus lucrative que celle de suivre les passantes. Mais la salle dominant, il se réveilla un matin à Paris, commanditaire d'un théâtre de 6e ordre. Ce fut son passage de la Bérésina. Il noya dans les dessous de cet immeuble le gros de sa fortune et le restant de ses curiosités d'homme. En amour, il faut s'attendre à être toujours trompé. Seulement, quand on est jeune, on ne s'en aperçoit pas, et on en prend son parti quand on est âgé. Carbonel, qui avait usé sa vie dans l'étude des passions, des vanités, des trahisons et des mensonges féminins, y avait acquis à ses dépens une expérience monumentale. Si bien qu'un jour les femmes n'eurent plus de secret pour lui, et qu'il en eut pour elles. Après avoir été longtemps battu dans ses assauts Il devint insensiblement prévôt d'armes et de force à défier les plus fines lames. Aussi, lorsque ses tempes s'argentèrent et qu'il dut s'écrier devant son miroir et commence à neiger sur la montagne, se découvrit-il dans sa détresse amoureuse une ressource nouvelle, et puisqu'il n'avait plus d'argent à donner aux femmes, il leur donna des conseils. Ce fut pendant des années un spectacle indescriptible que celui de ce vieillard quasi vénérable, entouré, tutoyé, fêté par tout ce que Paris contenait de filles roses, blondes et perverties. Quand il entrait dans un foyer d'actrices, il y faisait émeute. « Ah, mon petit Carbonel, Charles veut me quitter. Toi seul peux me tirer de là. » « Carbonel, Alfred ne veut pas quitter un billet de 500 francs que j'ai souscrit sans le lui dire. N'est-ce pas qu'il est forcé de payer, puisque tout le monde sait que je suis sa maîtresse ?»« Carbonel, je voudrais faire reconnaître mon enfant, qui a déjà 5 ans, par Lucien, qui n'en a que 18. Est-ce que la déclaration sera valable ?» Et Carbonel avait une solution pour toutes les questions, un moyen de lever tous les obstacles, une ficelle pour sortir de tous les embarras. Il était passé ainsi, à l'unanimité, général en chef de cette garde nationale volante qui ne se laissera jamais désarmer. C'était le Lafayette du libertinage. Toussenel a publié un traité sur l'art de trouver les nids. Carbonel avait fait faire d'immenses progrès à l'art de dénicher les jolies filles. Il n'y avait pas à Paris un comptoir qu'il n'eût exploré, pas un vitrage derrière lequel il n'eût deviné le gibier dont il s'était constitué le chasseur implacable. Son œil de lynx disséquait une femme à travers l'enveloppe des voiles les plus épais. Quand il passait la revue de ses bataillons, il savait non seulement que telle créature était belle, mais que telle autre ne tarderait pas à le devenir. En voyant le matin glisser le long des maisons comme une ombre, quelque enfant se rendant à son ouvrage, avec un bonnet de toile pour toute coiffure et une robe d'indienne, sans jupon de dessous, pour tout encadrement, il se disait qui personne de non regard avait seulement un chapeau de 15 francs sur la tête et un mantelet de taffetas sur les épaules, tout le monde se retournerait pour l'admirer. Les célébrités galantes n'étaient plus dans ses moyens, mais comme il est bien rare que les plus en renom n'aient pas débuté par la misère, c'est à ce moment-là qu'il s'offrait à elle. 200 francs par mois, presque toujours le pactole pour celles dont 300 000 francs par an ne peuvent réussir plus tard à équilibrer les dépenses. Ces coups blancs que des rivières de diamants désignent dans les fêtes dramatiques, aux lorgnettes de l'orchestre, se sont inclinés pour la plupart sur des travaux débilitants qui tiennent les ouvrières attachées à leurs chaises pendant d'interminables heures. Ces mains gantées qui jouent sur le bord des loges, avec des éventails damasquinés d'or, ont, à peu d'exceptions près, serti des bagues en doublé ou tourné des queues de boutons, et peut-être eussent-elles vu leur beauté s'étioler dans cette besogne détériorante si elle avait été devinée par que le Christophe Colomb ou quelque émule de Fernand Cortès, ce coupable auteur de la première expédition du Mexique. Carbonel avait pris insensiblement un goût singulier à ses voyages de découverte. Il se plaisait à arracher une jeune travailleuse à son aiguille ou à ses outils. Et après l'avoir instruite à son école pendant quelques mois, il l'a jetée dans le mouvement parisien, sans regret de la quitter, sans le remords de l'avoir perdue, pour s'appliquer à l'éducation d'une autre. En voyant plus tard passer à fond de train dans une Victoria, celle qu'il avait tirée d'une paire de sabots, il éprouvait cette jouissance particulière de l'amateur de tableaux qui, après avoir acheté dans la boutique d'un bric-à-brac une toile moyennant 5 francs, la retrouve un jour dans la collection Portales et guettée par tous les connaisseurs qui en attendent la vente avec impatience. À l'époque où il avait brigué auprès de Clémentine l'honneur de porter son panier, le nombre des victimes qu'il avait ravies aux misères du prolétariat était déjà considérable. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'il était incomparable comme initiateur. Les jolies boulevardières qu'il lâchait sur la société étaient, en sortant de ses mains, si énergiquement cuirassés contre les émotions vives, si terriblement blindés contre les surprises du cœur et bronzés contre les attendrissements, que leur avenir était assuré d'avance. Cependant, pour ce genre d'études comme celle du piano, les élèves demandent à être commencés de bonne heure. l'extrême jeunesse de celle qu'il recueillait, sans distinction de caste et de milieu, lui avait fait donner dans le monde où il se concentrait un surnom significatif. On l'appelait Saint-Vincent de Paul. Il avait eu ce mot sinistre. Ces Champs-Élysées deviennent insupportables. On n'y rencontre plus que des vieilles traînées de 16 ans et demi. Le logement composé d'une salle à manger, d'une cuisine et de la chambre bleue, décrite plus haut, où régnait Clémentine et dont elle croyait peut-être inaugurer le cretonne, avait servi de station au calvaire de beaucoup d'autres. Il avait pris à bail ces trois modestes pièces que chacune de celles qu'il appelait à les habiter supposait louer spécialement pour elle et qui, depuis longtemps, constituait une sorte de lazaret doux, l'une suivant l'autre, après une quarantaine plus ou moins écourtée, elle s'élançait, jupon déployé, vers le port. Combien avaient pris part à ce long champ et gagné dans la chambre bleue leur brevet de capacité? Personne ne le savait, pas même Carbonel. Cependant, Clémentine s'y épanouissait depuis tantôt 5 mois et son usufruitier ne pouvait se décider à lui donner l'essor. « Est-ce que je vieillis ?» se demandait-il de temps en temps. « Et il me semble que cette petite est aussi forte que moi. » Carbonel n'avait pas conscience d'avoir mérité la bordée d'injures dont Clémentine venait de le mitrailler à son entrée. Mais il la reçut avec une impassibilité complète. Il en avait essayé bien d'autres. « Oui, assassin !» insista Clémentine, croyant qu'il n'avait pas entendu. « Est-ce que tu répètes un rôle ?» demanda phlegmatiquement Carbonel. « Ce n'est pas un rôle. Vous ne méritez pas d'autre nom. Vous n'en méritez pas d'autre. »« J'ai eu tort de te faire entrer au théâtre, » dit Carbonel, en s'asseyant. « Tu vois ces mots-là dans les pièces et puis tu les relédis sans savoir. »« Voyons, en quoi t'ai-je assassiné ?»« Vous m'avez assassiné, » répliqua Clémentine, qui tenait à son expression. « Parce que Geneviève, vous savez Geneviève, eh bien, elle se marie. »« Qui est-ce qui se marie ? Quelle Geneviève ?»« Oui, votre ancienne protégée. » « J'ai protégé Geneviève, » fit Carbonel, cherchant avec beaucoup de bonne foi dans ses souvenirs. « Sans doute, vous vous rappelez bien, celle pour qui nous avons combiné la machine du jeune homme qui se mourait pour elle. Ah, j'y suis maintenant, cette camarade à toi qui était si jolie. »« Pourquoi jolie ? Comment savez-vous qu'elle est jolie ? Parce que je me souviens que tu m'as dit beaucoup de mal. Si elle était laide, tu m'en aurais dit du bien. » Eh bien, jolie ou non, elle épouse dans 3 semaines, 15 jours peut-être, son amant, le fils Ouzelot, un jeune homme ravissant. Et dire que je n'avais qu'à étendre la main. Vous voyez qu'il n'y a pas une minute à perdre. Je perçois la chose. Tu voulais bien lui faire faire la culbute, mais ça t'ennuie qu'elle soit retombée sur ses pieds. En attendant, il faut que ce mariage soit en miettes, et dans le plus court délai. Le père du jeune homme sort d'ici, il est avec nous. Je ne lui ai rien caché. Il sait que je la déteste. Je lui racontais qu'elle m'avait pris une paire de ciseaux tout neuf. Il m'a dit qu'il comptait sur toi pour dénouer cette affaire-là. Il t'aime beaucoup. Il m'a répété plusieurs fois, « Monsieur Carbonel, je l'aime beaucoup. » Le vieux raffiné avait, au premier mot, percé un jour les sentiments de Clémentine. Non seulement Geneviève échappait au milieu dans lequel on avait voulu la pousser, mais elle gravissait sur l'échelle sociale, un échelon lumineux, dont le resplendissement foudroyait sa blonde camarade. La distance que la candeur de la fiancée de Maximilien mettait déjà entre elle et la soubrette du théâtre des jeunes artistes prenait, par cette union, des proportions imprévues. Ce sont des coups de massue que les Clémentines ne pardonnent pas. « Écoute, ma bonne amie, » dit Carbonel, avec une nuance de sensibilité, ce qui me répugne par-dessus tout, c'est faire du mal à une femme. Je t'ai aidé la première fois dans ton petit complot, parce qu'il s'agissait d'une chose par laquelle il faut toujours finir. Tu vois que ta Geneviève n'a pas eu à se repentir d'être tombée dans le traquenard, puisque le mariage était au bout. Mais chercher à désunir deux êtres qui s'aiment, évidemment, puisqu'ils sont assez bêtes pour se lier par des chaînes éternelles, tu sais, ça ne m'irait pas beaucoup. D'abord, l'idée de faire pleurer les femmes m'a toujours désobligé. Chaque fois que j'en quittais une, ce que je craignais le plus, c'était la scène des larmes. Et pourtant, je savais à quoi m'en tenir sur ces sanglots-là. Eh bien, moi aussi, je pleurerai si vous me refusez ce que je vous demande. Je vais pleurer tout de suite, voulez-vous? C'est inutile, garde ça pour une autre occasion. Ah, le misérable! Il m'abandonne, s'écria Clémentine, mettant sur le champ sa menace à exécution. Il se ligue contre moi, avec mes ennemis. Et quand on pense que cet homme-là qui m'a perdu, oui, perdu, je l'affirme, qui vous prouve que moi aussi je n'avais pas l'intention de me bien conduire? Clémentine, ta colère te fait divaguer. Eh bien, non, au fait, puisqu'elle épouse son Maximilien. J'exige que vous m'épousiez aussi. Les deux noces se feront le même jour. Dieu, serait-elle furieuse? Une, deux, trois. Consentez-vous? C'est à prendre ou à laisser. Oh, en ce cas, tu peux être sûr que je ne prends pas. Et que je laisse, dit Orion Carbonel. Ah, s'écria Clémentine, exaspérée. Ah, vous trouvez tout simple qu'on fasse d'elle une madame, tandis que moi, je continuerai à vous servir de jouet. C'est ce que nous verrons. Pauline. Pauline parut. C'était la bonne qui avait annoncé le docteur Houzelot sous cette périphrase « Madame à monsieur décoré ». Pauline, apportez-moi vos comptes que je vous paye, ma fille. Nous nous séparons. Vous ferez ensuite mes mal. Donnez-moi toujours mon chapeau et mon manteau gris. Je quitte la maison. Vous, madame ? Dit Pauline, d'un ton qui voulait être surpris et qui n'était que profondément incrédule. Allons, allons, pas d'enfantillage. Pas d'enfantillage, dit en s'interposant Carbonel, qui ne laissait pas volontiers une femme quitter la chambre bleue avant d'avoir sous la main celle qui devait l'y remplacer. « Non, c'est fini !» répliqua Clémentine, qui se dirigea vers la porte, tenant son chapeau à la main et son manteau sous le bras, comme une femme qui aime mieux se vêtir dans la rue que de rester 5 minutes de plus dans l'antre de la tyrannie. Carbonel n'était pas sans avoir constaté que la jalousie noire allumée par les succès d'une rivale ou d'une simple concurrente, est la seule passion qui puisse jeter les femmes de certains acabits hors du sentier de leurs intérêts. « Tu vas pas t'en aller, au moins ? Que veux-tu que ton pauvre Carbonel devienne sans toi ?» dit le sexagénaire en se plaçant en travers de la porte. « Choisissez, d'elle ou de moi ?» fit Clémentine, avec un geste auquel un peu de tragédie n'était pas étrangère. « Mais enfin, j'ai jamais vu les futurs époux. Comment veux-tu que je m'y prenne ?» Avec ça qu'un vieux lapin comme vous est jamais embarrassé, fit Clémentine, en commençant à câliner l'ancien vainqueur. Quant à moi, reprit Carbonel, se défendant de plus en plus mollement, je tiens à ne me mêler de rien. J'agirai tout de travers. Et il n'y a au monde qu'une personne capable de bien mener cette affaire-là jusqu'au bout. C'est la vieille Esther. Esther? Quelle est celle-là, Esther? Ah, c'est juste, je ne te l'ai jamais présentée. Tu la connaîtras toujours assez tôt, du reste. Eh bien, cette Esther, il faut la voir. Nous aboucher avec elle. Oh, mon petit Carbonel, que tu serais gentil si tu voulais lui parler tout de suite. Pourvu que je reste en dehors de tout ce qui se manigancera, très bien, je causerai avec elle. Elle vous donnera rendez-vous à toi et au père du jeune homme. Et vous arrangerez vos affaires, sans moi. Qu'avec une pareille gaillarde dans votre manche, vous n'aurez besoin de personne d'autre. « Oh, que je suis contente, mon chéri !» mais ajouta Clémentine, redevenant la fille d'atelier. « Cette Esther, elle a donc bien du vice ?»« Esther, dit Carbonel, en prenant son chapeau. « Elle n'a pas du vice, elle a du crime. » Fin.